Nous allons parler à présent de géoéconomie et nous avons la chance d'avoir dans le cadre de cette émission des experts, des économistes de haut vol. Comme elle a souvent l'habitude de dire ma collègue sur ce plateau d'Afrique Média. Alors, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau le docteur Jean-René Douma qui est économiste. Nous avons également la chance d'avoir le docteur Célestin Tchakounté, expert en économie, écrivain, auteur des privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Et bien sûr, Sir Achille Eke, qui est expert en haute finance, PDG de la banque d'investigation, d'investissement de Washington Valuation Group, basée à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Et bien sûr, le général Issa Diawara, qui est panafricaniste. Et bien sûr, Jonathan Batengené, sociopoliticien. Et nous posons la question de savoir, dans le cadre de cette deuxième partie de votre émission, le mérite panafricain sur Afrique Média, sommes-nous en train de vivre la fin d'une époque, la fin ou le début d'un autre monde, avec ce qu'on peut appeler la dédollarisation en marche? Nous nous posons ces questions à cause du choc qui existe aujourd'hui entre les BRICS et l'OTAN, quand le rêve et l'hégémonie américaine partent en fumée chaque jour au profit d'un monde qui se veut multipolaire, un monde qui se veut multilatéraliste, soutenu par les BRICS. Conséquences immédiates et parmi les conséquences de ce bras de fer, la situation désastreuse du dollar, d'après les spécialistes. Alors, comment en est-on arrivé là? Quel impact dans la géoéconomie mondiale aujourd'hui et quelles conséquences, mesdames et messieurs, précises ou avantages que peuvent tirer les pays africains ou les grands ensembles régionaux sur le continent? On en parle sur ce plateau avec ses invités. Je ne sais pas à qui je vais donner la parole en premier, tout désespère. Alors, docteur Jean-René Douma, vous êtes à côté de moi. Alors, aujourd'hui, on parle de ce choc entre l'OTAN et les BRICS. Comment en est-on arrivé là? Alors, géoéconomie, le bras de fer. Alors, vous avez évoqué la dédollarisation. Oui. C'est le terme clé qui retient mon Tout à fait. attention ici. En réalité, si nous avons deux blocs à distinguer, il y a les BRICS, c'est clair. On peut, sur le plan de la monnaie, relever le G7. Le G7, parce que l'OTAN, dans l'imagerie publique, c'est beaucoup plus la puissance militaire, Puissance etc. militaire, tout à fait. Voilà donc. Alors, comment on en arrive là? On va rappeler un peu l'histoire, hein. Vous savez que le dollar, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1944, a été érigé en monnaie de réserve mondiale. Parce qu'au sorti de cette guerre, ce sont les États-Unis qui avaient les plus grandes réserves en or. Et donc le dollar, étant adossé à cet or-là, était la devise de réserve mondiale. Mais jusqu'en 1971, lorsque certains pays, notamment la France, hein, commencent à vouloir demander en contrepartie de leurs réserves en dollars de l'or. Dit que certains pays ont commencé à dire, mais au lieu de conserver, n'est-ce pas, les dollars sous forme de réserve, on peut demander aux Américains de nous donner plutôt l'or en contrepartie, puisque le dollar était adossé à l'or. Alors le président Nixon a vite compris que ça pouvait mettre à mal les États-Unis, parce qu'en réalité, l'évolution des réserves en or ne pouvait pas être corrélatif à l'évolution de la planche à billets pour produire les dollars et alimenter le marché international. C'est donc l'une des raisons majeures pour lesquelles le président Nixon avait décidé de déconnecter, n'est-ce pas, le dollar à l'or. Alors, cette déconnexion a fait naître ce qu'on appelle le floating system, c'est-à-dire que désormais, donc, il y a eu des fluctuations jusqu'à aujourd'hui. Ça a créé un gros, gros marché. Mais retenons que jusqu'à aujourd'hui encore, pratiquement, hein, sont les États-Unis qui alimentent tout le marché mondial en dollars. C'est le plus grand marché. Parce que vous avez entendu des pétrodollars, entendu parler de pétrodollars, toutes les transactions internationales commerciales jusqu'à il y a quelques années encore se font en dollars. On est même allé jusqu'à banane dollar au Salvador, etc. Donc, les États-Unis ont mis en place une structure qui permet que les pays qui utilisent le dollar puissent financer leur déficit commercial structurel et même leur budget. Parce que c'est un avantage pour les États-Unis que les autres utilisent le dollar. Et avec la dimension de cette extraterritorialité, quand vous utilisez le dollar, vous passez directement sous le coup du droit de la loi américaine. Donc, la plupart des États, en 1973, on avait pratiquement 88% des réserves des États en dollars. C'est-à-dire que le Cameroun, par exemple, s'il a ses réserves en dollars, vous comprenez bien que les États-Unis peuvent à tout moment geler ces réserves-là, parce que c'est la monnaie américaine. Mm-hmm. Vous pouvez également tout de suite comprendre que les États-Unis peuvent influencer facilement la valeur de ce dollar-là, c'est-à-dire la valeur des réserves détenues par d'autres États. Aujourd'hui, les choses évoluant, et en passant par des situations où parce que tout ce que je dis là est basé sur le système de Bretton Woods. Et vous voyez que chaque fois qu'un pays ne va pas prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce que les Américains veulent et leurs alliés, il y a le système de sanctions qu'on active. Donc on va geler vos avoirs auprès de banques centrales, on va vous exclure par exemple du système de messagerie financière internationale, le SWIFT, etc. C'est ce qui a d'ailleurs été fait aussi. C'est fait en Russie. Récemment, une série de mesures, mais alors très drastiques, j'ai cité là quelques-unes qui sont essentielles pour en réalité asphyxier, n'est-ce pas, la Russie et la fragiliser au point où véritablement l'ennemi en face prenne le dessus. Alors, ça ce n'est pas seulement pour la Russie, mais la Russie étant une grande puissance, a réagi. Elle a réagi. Il faut déjà savoir que la Russie avait déjà commencé à créer un système parallèle de messagerie financière internationale depuis 2017. Et ce système fonctionne et davantage avec la Chine et certains autres pays comme l'Iran, dont un système parallèle au système SWIFT. Parce que toutes les transactions qui passent par le système SWIFT sont contrôlées par les Américains, sont tracées et peuvent être bloquées, etc., etc. Si vous passez par le système alternatif, qui lui est contrôlé évidemment aussi par la Russie, la Chine et autres, les Américains ne peuvent pas avoir la même mise sur les transactions que vous faites dans ce système. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de la dédollarisation et davantage? On va en parler. C'est que... On va en parler. D'accord. Souffrez, docteur, que nous prenions, je crois, avec ces questions d'entrée, l'avis des autres économistes qui sont avec nous sur ce plateau. Alors, docteur Célestin Chakunté, vous êtes également expert en économie. Vous venez de suivre votre collègue, le docteur Jean-René Douma, qui est également économiste. Alors, aujourd'hui, il vient de faire savoir les avantages des États-Unis. Les États-Unis veulent que les autres pays puissent utiliser le dollar, parce que le dollar permet aux États-Unis de maintenir ce qu'on peut appeler leur hémogénie et d'imposer aussi cette vision unipolaire du monde. Mais les choses sont quand même en train de changer. On assiste quand même à un autre son de cloche. Est-ce qu'on peut nous le dire de façon brève, hein, docteur? Comment est-ce qu'on est arrivé, peut-être de façon complémentaire sur ce que le docteur Jean-Irénée Touma vient de dire, comment on arrive à cette situation aujourd'hui, d'une autre vision, d'un autre son de cloche à travers le monde? Alors, c'est un problème qui remonte à 1945 déjà. Les Américains, effectivement, se rendent compte que l'or qu'ils détiennent ne peut plus suffire à changer les dollars. Enfin, ils avaient mis beaucoup de dollars pour financer leur économie. Donc, ils ont créé la rupture en 1945. Et donc, pour arriver à faire cela et donc continuer à vivre à un niveau de vie très élevé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont trouvé l'astuce de demander à tout le monde d'utiliser le dollar comme monnaie de transaction. Et pour cela, ils ont passé un accord avec les Saouds, c'est-à-dire la famille royale saoudienne, en leur disant, écoutez, nous, on vous protège, on protège, vous faites ce que vous voulez, et vous, en contrepartie, vous prenez l'engagement de vendre tout le pétrole en dollars. Donc, c'est comme cela donc, que tout s'est structuré autour du dollar. Et entre parenthèses, vous allez voir que cet engagement n'est pas du tout démocratique. Parce que les Américains, tout le temps, quand ils veulent s'en prendre à un pays africain, partie de démocratie, s'engager à protéger une famille régnante dans un pays n'est pas une démocratie, n'est pas la démocratie du tout, parce que c'est pas la volonté du peuple. Donc, ça c'était une parenthèse, je passe dessus. Et donc, voilà, ce système qui a fonctionné, ça permet donc aux Américains de financer leur économie presque pour rien. Donc, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils émettent des dollars, ils appuient sur l'imprimante, ça crée des billets, donc ils achètent ce qu'ils veulent. Donc, ce système fonctionne et peut fonctionner tant qu'il y a deux éléments. Premièrement, que l'économie américaine est surpuissante, et deuxièmement, que l'armée américaine est surpuissante. Et c'est pour ça que ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Parce que récemment, dès que vous levez la tête, dès que vous aviez un problème, vous étiez bombardé. Vous avez l'Amérique a bombardé pratiquement une vingtaine de pays à travers le monde. Et cependant, il y a des évolutions. Des évolutions qui font que déjà, les Occidentaux ne produisent plus beaucoup. Il n'y a pas longtemps, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe occidentale, produisait à peu près 60% de la richesse du monde. Aujourd'hui, en une seule génération, ils sont à environ 35%. L'Europe seule, qui était à 25%, est aujourd'hui à 12,5%. Donc, vous voyez que leur production a chuté complètement. Donc, leur poids économique a chuté. Maintenant, si on regarde un peu le fameux G7, c'est-à-dire le groupe des 7 pays les plus riches du monde, quand ils ont créé cela, c'était avec beaucoup de suffisance et en se tapant la poitrine. Au jour d'aujourd'hui, voici la situation. Le groupe des 7 pays les plus riches du monde, ils sont à 30,5% du PIB mondial, alors que les BRICS, qui étaient les anciens pays pauvres, sont aujourd'hui à 31,5% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'ils sont devant les 7 pays les plus riches du monde. Donc, en réalité, maintenant, si on tente de dire que le G7 devait maintenant être plutôt les BRICS et non plus le G7. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que les plus riches ne sont plus les plus riches. Ce sont d'anciens riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a dépassement. Donc, sur le plan des pays, il y a la Chine qui est en train de dépasser les États-Unis. Et sur le plan géostratégique, vous avez les BRICS qui sont déjà passés devant le G7. Et cet écart ne va faire que se creuser. Ça, c'est un fait, puisque les BRICS ont un taux de croissance moyen de 4%, alors que les Occidentaux ont un taux moyen de croissance de 1%. Et en plus, ils ont un problème de natalité. La plupart d'entre eux sont en train de perdre la population. La France a perdu, je crois, l'Allemagne a perdu, je crois, 1 million. Non, le Japon a perdu 1 million d'habitants l'année dernière. L'Allemagne est en train de perdre environ 200 000 chaque année. les prévisions, par exemple, pour 2050, c'est que l'Allemagne, qui aujourd'hui a 83 millions d'habitants, que l'Allemagne devrait être autour de 65 millions d'habitants en 2050, après avoir fait venir 15 millions d'habitants de l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Le Japon, par exemple, sa population est en train de sombrer complètement. Donc, avec ce tout problème, ça fait que, sur le plan économique, la situation est en train de se dégrader pour le G7 et en train de s'améliorer constamment pour les BRICS. Maintenant, voyons l'impact sur le plan géostratégique et militaire. Donc, le problème, déjà, c'est ce qu'on appelle, en langage historique, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide, c'était un écrivain grec qui expliquait que chaque fois qu'une puissance montante dépasse une puissance établie, très souvent, ça se traduit par une guerre. Et au cours des 5 derniers siècles, ça s'est passé environ 16 fois, et 12 fois, ça se traduit par une guerre, c'est-à-dire un taux de probabilité de 75%. Il est vrai qu'au XXe siècle, il y a eu un dépassement, c'est-à-dire les Américains ont dépassé la France et l'Angleterre. Sauf que les Américains, c'est des Européens qui ont émigré aux États-Unis et qui ont tué tous les Amérindiens. Donc c'est le même peuple. Donc ce dépassement n'a pas créé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, qu'il y a un dépassement, que la Chine va dépasser les États-Unis, tout le monde sait que on s'achemine vers une guerre. C'est un fait. Vous êtes dans, tout à l'heure, je vous expliquais qu'ils sont en train de parler une guerre contre la Chine. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains sont précipités pour aller faire la guerre en Ukraine afin d'affaiblir la Russie, parce qu'ils se disent que la Russie, ils ne peuvent pas combattre à la fois la Russie et la Chine. Voilà le problème. Et maintenant, je vais poser une autre question tout à l'heure. Comment en est-on arrivé là? Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre une chose. En fait, la Russie voulait se rapprocher des Occidentaux. C'est les Américains qui ont refusé. Parce que les Américains ont une peur bleue qui est qu'il y ait un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Ce qu'on appelle souvent l'Eurasie. Mais à mon avis, je pense que ça va se faire à un moment ou à un autre. L'Europe va se rapprocher de la Russie. Et ça, c'est la hantise, ça, c'est le cauchemar des Américains. Donc, c'est pour ça qu'ils sont précipités à aller faire la guerre contre la Russie en Ukraine afin d'affaiblir au maximum la Russie. Mais malheureusement, c'est les Américains qui sont en train de s'affaiblir et les Occidentaux. Vous avez entendu Joe Biden, il y a quelques jours, menacer ses amis en leur disant que tout le monde doit s'y mettre pour continuer cette guerre parce que c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, que la Russie ne peut pas perdre. La raison est toute simple. Les Américains ont déjà envoyé en Ukraine plus de 130 milliards de dollars. Ça représente presque 3 fois le budget militaire de la Russie. Parce que le budget militaire de la Russie est de 50 milliards de dollars. Vous envoyez 130 milliards de dollars comme aide militaire à un pays qui n'arrive pas à avancer et qui est en train de perdre la guerre. Évidemment, les télévisions européennes ont dit des mensonges grossiers parce que l'autre jour, on a eu les vrais chiffres des nombres de morts en Ukraine et en Russie, donné par le Mossad, c'est environ 16 à 20 000 morts côté russe, 165 000 morts côté ukrainien, et tout le monde sait que l'Ukraine va perdre la guerre. Malgré une aide massive de la part des Occidentaux, et justement, qu'est-ce qui est en train de s'affaiblir? C'est l'Europe, c'est l'Amérique. C'est pour ça donc qu'ils sont obligés d'appeler la Chine en disant que viens nous aider à sortir de là. Or, la Chine n'a aucun intérêt à ce que cette guerre s'arrête parce que, justement, elle sait qu'elle est la prochaine cible. Donc, la Chine va plutôt laisser que cette guerre se poursuive. La Russie elle-même va laisser que la guerre se poursuive pour une raison toute simple. Puisque la Russie combat près de ses côtes, près de chez elle, elle dépense très peu. Et les Américains vont bien s'affaiblir. Donc, je pense que cette guerre ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, voilà, en fait, l'enjeu géostratégique qui nous mène vers ce qu'on appelle la dédollarisation. C'est quoi la dédollarisation? C'est-à-dire que c'est donc d'enlever le dollar du centre et que tous les pays donc, qui ont le dollar vont aller vers les Américains en disant que bon, rendez-nous. Parce qu'en fait, les dollars, quand vous les avez, les Américains les confisquent. Ils ont confisqué près de 500 milliards de dollars de la Russie, confisqué les avoirs de beaucoup de pays qui font donc que tous les pays, même les pays amis, ont décidé de retirer leurs avoirs des États-Unis Vous avez vu, et l'Iran, et l'Arabie Saoudite, et Israël, chacun maintenant signe des accords pour faire le commerce dans leur monnaie nationale, ou en yuan, ou en autre monnaie. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que les Américains ont eu l'intelligence idiote de décider qu'ils confisquent tout ce qu'ils veulent confisquer. Et en fait, la seule force des Occidentaux qui était le droit de propriété garanti par la Constitution, garanti par des tribunaux soi-disant honnêtes, a été battue en brèche. Et du coup, donc, les Occidentaux se sont tirés une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête. Donc, l'avantage énormissime que les Américains avaient, ils ont eux-mêmes détruit cela, qui était le dollar. Ils ont eux-mêmes détruit cela en enclenchant la dédollarisation. Et c'est un mouvement qui ne peut plus s'arrêter malgré ce que les Américains sont en train de crier, de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ça ne peut plus reculer, c'est fini. Ils se sont tirés une balle dans la tête, pas dans le pied. Dans le pied, on peut encore se débrouiller à sautiller. Ils se sont tirés une balle dans la tête. Et là, on est vraiment dans un autre monde, un enjeu géostratégique. Et c'est-à-dire que qui est en train de... le monde est en train de changer. On assiste là à la fin d'un monde, au début d'un nouveau monde. Et il y a un risque important, il faut le dire, de guerre, parce que je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on arrive vers une troisième guerre mondiale à travers cet élément. Et par rapport à cela, tout le monde devrait se préparer. On voit par exemple en Europe, tout le monde... Merci beaucoup, c'est entendu, docteur Célestin Tchakounté. Alors, docteur Jean-René Doumont reviendra vers vous, et aussi également à chez Eke. Mais bien avant aussi à Jonathan Batengene, nous voulons passer par Issa Diawara. On nous signale qu'il n'est plus avec nous en direct. Donc on va. Alors Hachi Eke, vous êtes expert en haute finance. Alors la situation, on l'a dit, on a planté le décor dans les premières prises de parole. La situation est en train de se dégrader pour le G7. Par contre, elle s'améliore pour les BRICS. Alors, est-ce qu'on peut dire, et pourquoi que nous sommes pratiquement aujourd'hui en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde, un monde économique, si on peut le dire ainsi, Hachi, et que vous êtes économiste aussi, expert en haute finance. J'ai l'impression que nous avons quelques soucis de connexion avec Hachi Eke. Alors, docteur Jean-René Douma, avant de partir chez Jonathan, je reviens avec vous parce qu'il faut qu'on plante bien les décors sur le plan économique. Alors, est-ce qu'on est en train aujourd'hui d'assister, après tout ce que nous avons dit ici, en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde où pratiquement la toute puissance américaine est pratiquement en train de s'effriter avec ce que vous vouliez démontrer tout à l'heure, ce qu'on peut appeler la dédollarisation? Oui, il n'est pas juste... Dédollarisation, hein, je voulais dire. Oui, bien sûr. Il n'est pas juste qu'un État s'autoproclame première puissance mondiale en misant sur ce qu'on appelle chez nous le hope high. C'est-à-dire que les Américains, en réalité, je me demande même s'ils sont encore première puissance mondiale aujourd'hui. Parce que économiquement parlant, on doit s'interroger. Tout à l'heure, le docteur Tchakounté a ressorti deux chiffres clés, entre autres. Tout à fait. Les PIB. C'est-à-dire que la part des pays du G7 dans le PIB mondial et la part des pays du BRICS dans le PIB mondial, dont les BRICS sont au-dessus des pays dits du G7. Vous voyez, donc en réalité, les États-Unis ne sont plus la première puissance. Mais quand on parle de dédollarisation, vous voyez, pratiquement tous les pays avaient leurs réserves en dollars américains. Ok? Et avec la prise de conscience de l'évolution des événements mondiaux, récemment, vous avez suivi la Russie dire clairement qu'elle ne vend plus ses produits, n'est-ce pas, en dollars. qu'il faut désormais acheter ses produits en rouble. Donc, vous imaginez bien que la Chine ne vend pas ses produits en dollars, etc. Donc, cette tendance-là, même les pays comme l'Iran, l'Iran est allé jusqu'à proposer aux pays africains de créer même une banque irano-africaine pour faire des transactions en dehors du SWIFT, des transactions avec une devise qui n'est pas le dollar. Vous savez que les BRICS ont décidé de créer une monnaie des BRICS qui n'est pas le dollar. Et au-delà de la création de cette monnaie, les BRICS ont ouvert l'adhésion, n'est-ce pas, aux BRICS à d'autres pays. Et là, il y a pratiquement une quinzaine de pays qui attendent seulement de rentrer dans les BRICS. Tout à fait. Donc, ça va renforcer la puissance des BRICS économiquement parlant et même militairement parlant. Mais avant de créer cette monnaie, parce qu'ils vont en discuter en Afrique du Sud bientôt, en août, ils ont déjà passé des accords pour faire des transactions en yuan, c'est-à-dire en monnaie chinoise. Donc, pour les BRICS, jusqu'à présent, pour le moment, en attendant de créer cette monnaie-là, c'est en yuan que les transactions vont se faire. Des transactions qui se faisaient en dollars. Vous voyez que on remplace progressivement le dollar partout où il était. Et donc, la dédollarisation qui concerne déjà les deux ou trois cas que je viens d'illustrer, concerne également le fait que les crypto-monnaies aujourd'hui ont déjà pris une dimension à travers le Bitcoin où quand on fait des évaluations des marchés financiers, il y a le Bitcoin qui est un peu comme la mère des crypto-monnaies qui intervient également. Le Bitcoin est appelé aujourd'hui par des spécialistes l'or numérique. C'est-à-dire qu'avec des crises, notamment dans des pays comme l'Ukraine et bien d'autres pays avec de l'inflation qui est incontrôlable comme l'Argentine, la Turquie, etc. Les pays de plus en plus essaient de se protéger en convertissant une partie de leurs réserves en Bitcoin. Donc, des réserves qui étaient toujours sous forme de dollars. Donc, tout ceci met le dollar à mal. Ça met le dollar à mal au point où les Américains essayent aussi d'anticiper un peu quand on parle de l'adoption des monnaies digitales au monde. Vous savez, il y a des cabinets qui s'occupent de ça, mais notamment un cabinet américain qui est une société d'intelligence blockchain, Chainalysis, qui a sorti une étude la plus récente, c'est-à-dire celle qui a pris en compte 146 pays en 2022. Cette étude qui publie ce qu'on appelle le Global Crypto Adoption Index, d'accord ? C'est-à-dire l'index d'adoption des crypto-monnaies par pays, 146 pays, l'étude a tablé là-dessus. Et les 20 premiers pays, M. Siddiqui, les 20 premiers pays qui sont, d'après cette étude, les pays qui utilisent le plus les crypto-monnaies, sur ces 146, vous avez deux pays qui sont qualifiés de revenus supérieurs. Hein, c'est-à-dire des hauts revenus, c'est-à-dire les États-Unis notamment, et puis le Royaume-Uni. Mais le premier pays, c'est par exemple le Vietnam. Vous avez les pays comme les Philippines. Le troisième pays, c'est l'Ukraine qui est en guerre. Troisième pays pour l'adoption des monnaies digitales. Le quatrième, c'est l'Inde. Donc vous allez voir parmi les 10 premiers, la Russie est dedans, la Chine est dedans. Vous avez donc 4 pays des BRICS. Et vous avez les États-Unis, le Royaume-Uni. Bon, je vais quand même citer le Nigeria qui est 11e, notre première puissance économique en Afrique, n'est-ce pas? Même si de temps en temps, ça change un peu. Mais le Nigeria y est. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que ça montre que même les États-Unis et bien d'autres pays savent que la place qu'occupent davantage les monnaies digitales devient de plus en plus importante dans cet écosystème monétaire nouveau. Donc, Le processus de dédollarisation est donc inexorablement irréversible. Très bien, merci. Il est irréversible. Merci beaucoup, docteur Alain. Je m'attends à te venir après. Donc, tous ces décors que nous avons plantés, alors avec ces prises de parole, On nous annonce que la connexion s'est rétablie avec le docteur, avec monsieur Hachi Eke, que nous allons prendre juste après vous, hein, Jonathan Batengue. Nous allons le prendre tout à l'heure là, en espérant que la technique va aussi multiplier d'autres efforts pour cette bonne liaison. Alors, Jonathan, aujourd'hui, c'est un bras de fer qu'on constate entre l'OTAN, si vous voulez, le G7, le groupe de G7 aujourd'hui, un bras de fer qui profite pratiquement à ces économies émergentes aujourd'hui, avec pratiquement la fin de la toute-puissance américaine à travers le dollar. Quelle réaction de votre part? La fin de la toute-puissance états-unienne, ce n'est pas nous qui la proclamons, elle est un constat. Les États-Unis perdent pied. Et tout à l'heure, le docteur Tchakounté a très bien planté le décor. L'alliance avec la maison Al Saoud, qui a été signée en 1932 et qui a été le point de départ de la consécration du pétrodollar. Cet accord a été remis en question le 5 avril, lorsque le représentant de la fédération iranienne et de la république arabe iranienne et le représentant du royaume d'Arabie Saoudite se sont serrés la main sous l'égide du ministre des affaires étrangères chinois, et ce dernier a doublé cette alliance. L'Iran s'est rapproché de l'Arabie Saoudite avec son corollaire, la reconstitution d'un bloc des peuples du Moyen-Orient. N'allons pas dire un peu des peuples arabes, parce que c'est un peu bizarre. Pas un peuple arabe au sens où beaucoup l'entendent. Il y a une constellation de peuples. C'est d'ailleurs sur ça qu'ont joué les États-Unis, sur les différences sociologiques, pour créer une géopolitique du chaos là-bas. Il y a une réconciliation au Moyen-Orient. Il faut noter que le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est près de 30% des réserves éprouvées de gaz et de pétrole dans le monde. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le plus grand réservoir. Lui seul, c'est 9% des réserves mondiales. Vous avez donc ces statistiques impressionnantes où les États-Unis perdent. On a vu il y a de cela. Le 8 avril dernier, on a vu William Burns quitter Washington sur le pas de course. William Burns est le patron de la CIA, pour aller rencontrer le roi Ben Salman afin de faire pression à l'avantage d'un éloignement de l'Arabie Saoudite de l'Iran. Et ça n'a été d'aucun intérêt, parce que les Saoudiens n'ont fait que continuer. Bien plus, les Saoudiens, il y a de cela 2 jours, se sont rapprochés des Syriens. C'est encore notre tsunami. Parce qu'avec les Iraniens, les relations sont tellement normalisées que les Saoudiens ont dit qu'ils arrêtent de bombarder les outils. Cette composante sociologique qui est majeure au Yémen. Et ils s'engagent à faire la paix et à promouvoir la paix au Yémen. Du côté syrien, les Saoudiens, ça fait 7 ans qu'ils ne parlaient pas avec les Syriens. Ils ont renormalisé la situation. On a vu l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, avant-hier, se lever, aller en Égypte pour aborder la question de la Syrie, du retour de la Syrie dans la Ligue arabe. C'est une victoire géopolitique majeure de l'axe Pékin-Moscou. Ne disons pas des BRICS d'abord. Pékin-Moscou. Une affirmation du leadership dans ce que les États-Unis appelaient leur sphère d'influence. C'est un renversement géopolitique important. Important. Un pied du pétrodollar a été cassé. C'est-à-dire, si le pétrodollar était assis sur deux jambes, l'une des jambes vient d'être brisée. Le fait que la zone du Moyen-Orient quitte sous s'émancipe de plus en plus de l'influence états-unienne. Il reste l'autre point d'ancrage du pétrodollar, c'est la puissance militaire états-unienne. C'est le deuxième pan de la puissance états-unienne, du dollar, c'est la puissance militaire. Mais le premier pan, ce qui est amorcé, est très important parce que s'il n'y a plus le pétrole saoudien ou le pétrole du Moyen-Orient, il y aura un affaiblissement des financements états-uniens pour leur capacité militaire impressionnante. 850 bases militaires. S'il faut seulement rémunérer le personnel, ça demande beaucoup d'argent. S'il faut encore financer la recherche technologique, ça demande beaucoup d'argent. Ce qu'ils perdent là-bas est monumental. Ces éléments-là viennent en complément de ce qui se passe déjà au niveau mondial. Le système étalon or qui revient, c'est même un étalon, on ne va pas dire or, c'est un étalon ressource naturelle qui est en train de venir. Ça dit que vous, aujourd'hui, vous vendez en compensation d'un ensemble, en compensation de monnaie, vous avez une quantité de ressources naturelles que vous produisez. Mmh. Et c'est le système qui est actuellement en train de gagner les économies mondiales. Avec ce système, vous avez les puissances productrices et les puissances qui ont les matières premières qui reprennent leur pouvoir. La grande injustice, et c'est pourquoi la question du dollar est importante, la grande injustice du système commercial mondial avait été que les pays qui ont les ressources naturelles, les pays à partir desquels on produit les ressources naturelles, dans leur balance commerciale était toujours défavorable. Parce que l'on prenait ces ressources naturelles à prix de rien pour aller les transformer dans des pays qui étaient industrialisés. Et on leur revendait plus cher les produits finis de la manufacturation. Aujourd'hui, avec le système qui est en train d'être mis en place, ces pays reprennent de la puissance dans les échanges. C'est ça la nouveauté et la beauté. Parce que les gens peuvent penser que non, nous en avons après les États-Unis. Non, c'est une injustice qui est en train d'être réparée. Les pays producteurs de matières premières prennent effectivement le contrôle de leur matière. D'accord. Et vont faire jouir à leur population des bienfaits d'avoir ces ressources sur leur territoire, ce qui a été pendant longtemps une injustice du dollar. Merci. Et par ce mécanisme, on va simplement affaiblir les États-Unis. Le deuxième pilier viendra avec le temps. La puissance financière des États-Unis déclinant, ils n'auront plus la possibilité de soutenir leur effort de guerre et leur présence militaire de par le monde. Et donc, naturellement, il y aura un déclin du deuxième pilier, c'est-à-dire la puissance militaire états-unienne. Merci à vous, Jonathan Batengene. Nous espérons que la connaissance, la connexion avec Haché Ecker est bonne à présent. Alors, très cher monsieur, vous, si vous êtes avec nous, dites-nous, donnez-nous votre réaction après tout ce que vous avez suivi sur ce plateau à propos de cette deuxième thématique. Je voudrais bien peut-être vous relancer aussi par cette question, monsieur Eke. Lorsque on a dit tout ce que vous avez bien donc suivi sur ce plateau, alors quel un peu de votre point de vue, ce qui l'impact aujourd'hui ce qu'on peut appeler cette dégringolade progressive du dollar sur la géoéconomie mondiale aujourd'hui. Alors, quelques soucis techniques toujours avec Haché Ecker que nous espérons retrouver peut-être que pour le mot de conclusion, parce que là, il nous reste pratiquement 5 minutes sur ce plateau. C'est dommage, hein? On aurait pu avoir beaucoup de temps. Ça va très vite, hein? On aurait pu avoir beaucoup de temps pour cette... Les bonnes choses, ne dit jamais. Vous l'avez dit, Jonathan Batengene, pour ce sujet extrêmement intéressant. Alors, on va encore essayer. Voilà, donc... Monsieur Ecker est avec nous. Monsieur Ecker, alors, c'est dommage hein, qu'on n'arrive pas à vous avoir. Oui, Merci, la connexion est bonne cette fois-ci. Alors, après tout ce que vous avez suivi sur ce plateau, je voudrais bien vous relancer, okay. Bien entendu, en prenant votre avis. Qu'est-ce qu'on peut vous trouver comme impact de cette domination du dollar qui pratiquement fonce vers le péril sur la géoéconomie mondiale aujourd'hui? Ben, écoutez, vous m'entendez? Bien, allez-y. Vous me recevez? La connexion est pratiquement très okay. Bien rétablie. Ok, super, merci. Donc, je voulais dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à la dédollarisation, c'est quoi? C'est, en tant qu'expert de haute finance, nous travaillons normalement avec ce qu'on appelle le risque. C'est-à-dire que les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis ont augmenter sans le vouloir leur risque. C'est-à-dire que le monde extérieur regarde l'Amérique et l'Europe comme des pays à haut risque pour les placements ou bien pour le placement de leurs réserves, parce que on a vu dans le cas, n'est-ce pas, de la Russie, n'est-ce pas, près de 500 milliards, je pense que c'est à peu près le montant, qui ont été confisqués. Or, c'est ce qui donnait justement la force au dollar. C'est ce qui donnait, c'est ce qu'on appelle le trust. C'est-à-dire que la confiance que le monde avait par rapport au dollar. Alors, cette confiance a été brisée. Et dans notre monde de la haute finance, quand le risque est élevé, eh bien, il faut essayer de répartir. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle le spread. C'est-à-dire qu'on essaie de répartir le risque de façon que on ne puisse pas subir le choc d'une situation pareille qui arrive. C'est ce que les autres pays du monde entier font aujourd'hui, et notamment les BRICS. C'est-à-dire que on appelle ça en anglais hedge. Il y a des hedging, you know, des bets. So, ils protègent, n'est-ce pas, leur économie par rapport justement à cette manière, n'est-ce pas, qu'ont les Européens de pouvoir, du jour au lendemain, saisir les biens d'un État. Et là, je pense que s'ils ont pu faire par rapport à la Russie, eh bien, tous les autres pays du monde n'ont pas la puissance nucléaire que la Russie a. Et donc, se disent que mais si font ça la Russie, combien de fois nous? Donc, c'est ça. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a problème et que ça va vraiment perdurer et qui va continuer à véritablement rendre le processus de dédollarisation absolument irréversible, comme disait le docteur. Le docteur Ndounou, c'était sur le plateau. Donc, je crois que c'est sur cet aspect, justement, qu'il va falloir que, si les Américains veulent que la situation se renverse, qu'ils travaillent dessus, parce que la confiance n'y est plus, et quand la confiance en cette matière n'y est plus, eh bien, on observe toutes sortes de changements, n'est-ce pas, tectoniques, comme on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que les zones qui étaient très conflictogènes, qu'on a connu au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie. Pardon. Donc toutes ces zones-là qui étaient très conflictogènes ont décidé de s'entendre, n'est-ce pas, malgré leurs différences, pour essayer de diminuer leurs exposures, comme on dit en anglais, c'est-à-dire leur exposition aux humeurs des États-Unis. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la dédollarisation sera continuelle. Et avec ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui et tout ce qu'on voit, eh bien, c'est irréversible pratiquement. Donc, on a posé la question l'autre jour récemment au directeur de la réserve fédérale. Je pense qu'il était au Congrès récemment pour une audition. Donc, on lui a posé, un sénateur lui a posé cette question par rapport à la dédollarisation qui est en cours. Il n'a pas répondu directement, il a simplement fait une déclaration générale selon laquelle, jusqu'à présent, le dollar reste la monnaie de réserve, n'est-ce pas, majeure dans le monde. Donc, il n'a pas fait de pronostic dans ce sens que, probablement, ça pourrait ne plus être le cas dans les 10 prochaines années. Mais effectivement, ce n'est pas son rôle de pouvoir créer, n'est-ce pas, ce genre de choc ou bien de panique dans la communauté économique ou bien dans le monde financier. Donc, il a tempéré, il a répondu à la question de façon froide, mais tout le monde sent, à travers tout ce qu'on entend, pas toutes les alliances, on a encore entendu récemment le président, M. Lula du Brésil, qui va bientôt aller rendre visite à Xi Jinping en Chine, a déclaré effectivement qu'il soutient, n'est-ce pas, à la dédollarisation. Vous voyez, donc, mais vraiment, c'est un phénomène qui est immaîtrisable. C'est pas, l'Europe, les États-Unis n'ont pas le contrôle sur cette mouvance-là, parce que c'est eux qui ont, comme le docteur Jacques Montel tout à l'heure, ils ont tiré une balle dans leur tête. Absolument. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera fatal pour l'Occident à l'avenir. Nous, en tant qu'Africains, nous devons donc essayer de voir comment tirer nos marrons du feu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec le CFA? Justement, docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Certainement, on reviendra sur cette importante thématique. Je voudrais que vous sortiez peut-être avec votre mot de conclusion. Parce que vous étiez en train de vouloir dire quel avantage à tirer pour les pays africains de cette dédollarisation aujourd'hui, docteur. Oui, mais écoutez, c'est ça la question majeure. Est-ce qu'il faut qu'on... Oui. Donc, il faut qu'on essaie de faire qu'on fasse ce que nous devons faire, c'est-à-dire quels sont nos intérêts dans ce jeu de grande puissance là. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre intérêt là? Comment est-ce qu'on tire en notre intérêt de ce jeu là? Il faut que les Africains décident, n'est-ce pas, et prennent, n'est-ce pas, le courage de prendre des décisions fortes, comme l'Arabie Saoudite l'a fait, n'est-ce pas, comme l'Iran l'a fait, comme la Syrie l'a fait, et d'autres pays qui le font courageusement, bien qu'ils soient dominés par les États-Unis, notamment l'Arabie Saoudite qui a des bases militaires énormes, qui protègent, n'est-ce pas, le royaume. Donc, malgré cela, ils ont pris une décision forte. Donc, nous devons donc essayer de fonctionner comme les autres pays du monde entier font. N'est-ce pas? Il faut arrêter cette manière de se courber et de baisser les chines tout le temps lorsque nos intérêts sont en jeu. Donc, c'est sur ce plan que nous devons travailler. Et j'encourage tous nos dirigeants à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire sortir du franc CFA, créer notre propre monnaie pour pouvoir transacter avec tous ces autres pays, n'est-ce pas, comme l'Iran, qui voudrait avoir une banque entre les pays africains et l'Iran, c'est-à-dire qu'on puisse transacter avec les pays du BRICS et tous les pays du monde en notre monnaie, et non pas en une monnaie qui est adossée sur une monnaie européenne ou bien en ce franc CFA qui n'est même pas notre monnaie. Voilà, donc je pense que c'est sur ce plan que nous devons travailler normalement et résoudre ce problème-là de façon définitive. Voilà. Merci. Donc ce qui est très bien dire, Achille Ekeur, expert à Haute Finance. Merci beaucoup. Docteur Célestin Tchakounté, votre mot de fin. Alors, pour les pays africains, quel avantage à tirer? L'avantage, c'est que le monde était bloqué dans l'unipolarisme. C'est-à-dire qu'un monde unipolaire, dans un monde unipolaire, il n'y a pas de place pour l'émergence de l'Afrique. Parce que nous battons aujourd'hui, les panafricanistes, pour l'émergence de l'Afrique et surtout la mise en place des États-Unis d'Afrique noire. Dans le cadre de ce monde qui est en train de changer et qui ouvre la porte à ce qu'on appelle le monde multipolaire, il y a la place pour les États-Unis d'Afrique noire comme une puissance qu'elles peuvent devenir. Donc, je souscris entièrement. Donc, il est temps que l'Afrique se réveille entièrement et se prenne en main, et notamment le problème du franc CFA qui est encore en réflexion au niveau de la CEMAC. J'espère qu'ils vont aboutir à prendre de bonnes décisions, quoique j'ai de quelques doutes, parce que les gens à qui ça a été confié, je ne crois pas qu'ils soient dans cette direction-là, mais on espère quand même, parce qu'il serait temps, parce que le monde est en train de bouger. Moi, j'ai l'impression que l'Afrique francophone est endormie, et c'est dommage, parce que encore une fois, il y a une guerre mondiale qui arrive, on doit se préparer dès maintenant pour savoir comment on va défendre notre territoire, parce que c'est le territoire le plus riche qui existe, et ce sera le premier territoire à être envahi s'il n'est pas défendu. Docteur Célestin Tchakounté, expert en économie, on retient les États-Unis d'Afrique, la fin du franc CFA. C'est votre proposition. Jonathan Batengene, nous sommes arrivés à la fin, la vôtre. Effectivement, la dédollarisation interpelle l'Afrique. Il faut noter que depuis hier, le patron, le gouverneur de la BEAC, qui a reçu mandat de la part des chefs d'État de réfléchir avec le président de la commission, c'est-à-dire le président Touadéra, sur la nouvelle monnaie, sur l'idée de la nouvelle monnaie, a été convoqué à Washington depuis hier, avec des grands groupes états-uniens qui sont inquiets de la question de la nouvelle monnaie en Afrique centrale. C'est bien parce que le docteur Tchakounté l'a posé sur la table. Les États-Unis sont très attentifs. On se rend même compte qu'ils ont posé hier sur la table le problème des réserves qui étaient bloquées dans le compte des opérations en France. Et étrangement, c'est les États-Unis qui posaient hier la question en disant « Est-ce que vous allez retirer vos réserves ?» Comme quoi ils ont peur. Le CFA, qui était arrimé au franc français, puis à l'euro, et qui elle-même est une autre version du dollar, participait de l'hégémonie états-unienne. Effectivement, la réflexion sur la sortie du franc CFA en Afrique centrale est inexorablement un problème qui pose celui de la dédollarisation. Nous, Africains, nous devons prendre également tirer des leçons de ce qui se passe dans le monde. La première leçon, c'est d'arrêter ces petits conflits de leadership qu'il y a parfois dans la sous-région Afrique centrale, entre les leaders. Regardez ce qui se passe à la Ligue arabe. Dès qu'ils ont compris cela, ils ont arrêté leur guéguerre et vous voyez que ça va commencer à marcher. Dès que cela sera résolu en Afrique centrale, ou bien même les pays qui actuellement sont le plus engagés, c'est-à-dire le Cameroun, la RCA, qui sont déjà engagés sur la voie de la nouvelle monnaie, parce que beaucoup ne le savent pas, mais c'est le Cameroun qui porte ce dossier de la nouvelle monnaie. Eh bien, au moment venu, il faudra prendre ses responsabilités, avancer. L'Afrique doit être engagée dans ce chantier de dédollarisation. Nous ne pouvons pas rester en marche de cette entreprise qui nous permettra enfin de jouir de nos richesses. L'Afrique ne peut pas rester en marche. Jonathan Batengene, sociopolitiste. On a compris. Merci, monsieur. Le message est passé. Docteur Jean-René Douma, économiste, votre mot de conclusion. Alors, les collègues ont tout dit. Hein. Il faut diversifier. Il faut mettre le système des Bretton Woods en compétition avec les autres systèmes, notamment avec le système monétaire et financier des BRICS, c'est comme ça que moi je l'appelle, qui évidemment est basé sur une monnaie qui n'est pas le dollar. Là, ils ont commencé par le yuan. Ils ont déjà programmé la création d'une monnaie des BRICS. Donc, il faut, à défaut d'adhérer aux BRICS pour les pays africains, ce qui serait une bonne chose, passer des partenariats pour pouvoir faire des transactions avec cette nouvelle monnaie-là et non avec le dollar. Il faut mettre ce système de Bretton Woods en compétition avec les monnaies digitales. Aujourd'hui, tous les grands États ont créé une monnaie digitale de banque centrale ou sont en train d'en créer, y compris les États-Unis. La décision aux États-Unis a été prise il y a à peine 3 mois pour la création d'un dollar numérique, n'est-ce pas, de la Fed. Voilà. Donc, pendant que les États africains renforcent, n'est-ce pas, leur positionnement en adhérant aux BRICS ou en exploitant, n'est-ce pas, le réseau parallèle que les BRICS ont créé, il faut qu'ils se penchent sur la question de la création de la monnaie pour l'Afrique. À défaut d'en créer une pour toute l'Afrique en une fois, parce que si c'est la monnaie digitale, ce n'est pas compliqué pour créer une monnaie digitale, hein, contrairement à une monnaie fiduciaire. Donc, il faut créer une monnaie, n'est-ce pas, pour l'Afrique, à défaut d'y arriver, créer d'abord une monnaie pour les CER, c'est-à-dire des communautés économiques et régionales telles que la CEMAC, c'est-à-dire une monnaie pour la CEMAC d'abord. Ensuite, on va pouvoir créer une monnaie pour l'Afrique, comme le feu président Kadhafi l'avait même déjà prévu. Vous imaginez si l'Afrique a une monnaie, vous imaginez si l'Afrique a une monnaie et qu'elle décide que toutes les transactions qui vont se faire, c'est-à-dire toutes les exportations, n'est-ce pas, vont être payées par cette monnaie-là. Nous avons 54 pays. Vous imaginez quelle puissance l'Afrique va avoir, et en plus adosser cette monnaie-là à de l'or, par exemple, n'est-ce pas? Parce que nous avons suffisamment de ressources minières. C'est ce qu'il faut faire. On n'est plus au niveau de la réflexion. Il faut agir. Il faut agir. Merci beaucoup à vous. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Permettez que je remercie une fois de plus Issa Diawara, panafricaniste, qui était avec nous sur ce plateau. Jonathan Batengene, sociopolitiste, qui est là. Merci énormément à vous, Jonathan Batengene. Docteur Jean-René Douma, vous êtes économiste. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous disons encore mille merci au docteur Célestin Tchakounti, expert en économie, écrivain, auteur des privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Et merci également à M. Hachi Eke, expert en haute finance, PDG de la Banque d'investissement de Washington Valuation Group, basée à Washington aux États-Unis. Merci également à Nathan et Parfait Bissaï du côté de la technique. Madame, monsieur, je suis Aboubacar Sidik Mouchidi, j'ai eu tout le plaisir à vous proposer cette édition du Mérite panafricain sur votre chaîne de télévision. La suite, c'est tout de suite avec d'autres programmes de vos télévisions Afrique Média. Bonjour et bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.